Eh bien, bonjour à tous, c'est la rentrée. Alors, bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Instant Éco. Vous en avez désormais pris l'habitude depuis l'année dernière. L'Instant Éco, c'est le rendez-vous économique sur Radio Fadjet, dont l'ambition est de vous faire aimer l'économie. Alors aujourd'hui, nous avons décidé de consacrer cette émission à la gestion de patrimoine des ménages français, thème qui intéresse les Français, pour preuve le niveau record de l'épargne cette année. Alors au programme, conseils pratiques pour gérer au mieux son patrimoine, avec toujours fidèle au poste, Francine. Alors bonjour Francine. Bonjour Jérôme. Eh bien, bienvenue pour l'Instant Éco et merci de rester fidèle à Radio Fadjet. Alors, malgré la crise économique et sanitaire, le bas de laine des Français n'a jamais été aussi épais. Selon les dernières estimations de la Banque de France, le montant de l'épargne des Français pour la seule année 2020 s'élèverait à 130 milliards d'euros, un record, plus que le plan de relance adopté début décembre par le Parlement pour soutenir l'économie française. Livret A, développement de développement durable, assurance vie, actions, tous ces produits ont vu leur encours s'envoler. Alors, on va essayer aujourd'hui d'y voir un peu plus clair grâce à notre invité, Bérangère Donneau, conseillère en gestion de patrimoine et responsable de la société AC Conseil et Patrimoine. Bonjour Madame Donneau. Bonjour tout le monde, je vous remercie pour l'invitation, je suis ravie d'être avec vous. Eh bien, très bien, nous aussi, on va essayer donc avec vous de mieux comprendre les enjeux de l'épargne en France, les stratégies à adopter, mais aussi pour nos jeunes auditeurs, les formations accessibles pour accéder au métier de gestionnaire en patrimoine. Mais au préalable, en quelques mots, pouvez-vous vous présenter votre parcours, les raisons qui vous ont poussé vers la gestion de patrimoine ? Oui, bien sûr. Je m'appelle Bérangère. Je suis conseillère en gestion de patrimoine indépendant et j'ai fondé mon cabinet de gestion de patrimoine à Nancy en 2018. Alors, pour mon parcours, après mes études, j'ai intégré une banque pour exercer le métier de conseiller en gestion de patrimoine. Alors, on appelle ça en banque privée. C'est plutôt des clients fortunés. J'ai occupé ce poste pendant 7 ans. Puis après, j'ai évolué sur un poste de chargé d'affaires entreprise. Donc ça, c'est un métier orienté sur le financement des investissements des entreprises et sur le financement de grands projets industriels. Et après 4 années aux côtés des PME, j'ai occupé le poste de chargé de financement. Alors là, spécialisé pour le compte de grandes entreprises. En bref, mon quotidien consistait à mettre en place des financements spécifiques avec plusieurs autres banques pour financer des très grands investissements de très grandes entreprises. Voilà, donc après 15 ans dans le monde bancaire, à force de rencontrer des dirigeants, bah bien sûr, ça donne envie d'entreprendre. Et du coup, j'ai voulu entreprendre à ma manière. Je me suis dit pourquoi pas. Et donc, j'ai créé mon cabinet en 2018. Donc, un très beau parcours. Voilà. Bien. Et après, mon expérience professionnelle a été facilitée par mon bagage universitaire, puisque je suis titulaire d'un BTS profession immobilière, d'une maîtrise de sciences financières et enfin d'un DESS en négociation ingénierie patrimoniale. Donc les raisons que vous me demandiez, Jérôme, qui m'ont poussé dans ce domaine sont multiples. Bon, j'entrevois 3 principales. Hein. La première, c'est mon intérêt pour le monde des affaires, bien sûr. Hein. Il faut avoir un intérêt sur les affaires fiscales, juridiques, financières. La deuxième, c'est que j'aime les gens. Ce sont des hommes et des femmes qui m'intéressent. Hein, vraiment, leur vision, leurs contraintes, leur histoire, leur façon d'approcher les choses, la vie. À chaque rencontre, j'ouvre un livre, leur vie sont des romans. Et la troisième... Troisième raison, c'est l'accompagnement dans le temps. Je trouve ça enrichissant de pouvoir accompagner mes clients sur la durée. On comprend mieux, on les comprend mieux, on se comprend mieux, on organise leurs projets et on traverse les périodes heureuses comme moins heureuses ensemble. On ne s'ennuie jamais dans ce métier. Les objectifs sont variés, les sujets et les attentes sont multiples. Et enfin, pour finir sur ma présentation, pour le côté perso, je suis mariée et maman de 2 filles âgées de 7 et 11 ans. Bien, merci pour cette présentation. Donc, on va justement rentrer dans le détail de votre quotidien dans quelques instants. Mais avant donc d'aller plus loin, on va passer à la rubrique Instant Explication qui va aborder justement la distinction entre épargne et patrimoine. Alors Francine, que recouvrent justement les notions d'épargne et de patrimoine ? Alors, l'épargne, c'est la partie non consommée du revenu disponible, en sachant que le revenu disponible correspond au revenu dont disposent les ménages après la prise en compte des prestations sociales et des impôts. Alors, cette épargne permet ainsi de consommer plus tard ou de payer des dépenses imprévues. Elle peut prendre la forme de la thésaurisation, c'est-à-dire la conservation de l'épargne sous forme de pièces ou de billets à la maison ou dans un coffre. Dans ce cas, l'argent épargné ne rapporte rien. Si l'on veut obtenir une rémunération, il faut placer cette épargne, par exemple, sur un livret qui produira des intérêts. Mais on peut aussi acheter des actions d'entreprise ou investir dans l'assurance vie ou dans l'immobilier. Il s'agit là des principaux placements mis à la disposition des particuliers. Donc on a pris l'habitude de classer l'épargne en deux grandes catégories, l'épargne financière qui correspond donc au livret assurance vie action et l'épargne non financière concernant principalement l'investissement immobilier. Et cette épargne accumulée année après année va constituer le patrimoine des Français, estimé en 2020 à 12 500 milliards d'euros. Alors donc pour résumer, donc, hein, c'est bien l'épargne est un flux hein, qui alimente donc chaque année le stock hein, que constitue donc justement le patrimoine des ménages. Alors donc si on regarde effectivement les statistiques, la France se situe donc en tête des pays européens en termes d'épargne. C'est bien cela, Madame Denot. En effet, les Français sont de grands épargnants, ainsi que les Allemands, les Suédois, les Danois. Tous ces pays du Nord, en fait, épargnent beaucoup. C'est de l'ordre de 15% du revenu. Et post-Covid, on était à 28%. Alors, contrairement à nos voisins, nous, on a une particularité, c'est que nous avons une culture de l'épargne très forte et stable, alors que chez nos voisins, c'est plus variable sur la durée. C'est traditionnel, on aime mettre de l'argent dans nos bas de laine. Alors, en spécificité, c'est le livret bancaire et l'assurance vie. Hein. On ne retrouve pas ce genre de produit chez nos voisins. Et l'autre tradition, c'est que le Français est pessimiste. Donc, il a peur du lendemain. Mmh. Donc, il épargne. Voilà. Donc, on constate aussi, pour un peu aller plus loin, que l'épargne est concentrée sur la tranche d'âge des plus de 60 ans. C'est le résultat d'une vie d'épargne et d'investissement. Et après, l'épargne est consommée pour financer la dépendance et la vieillesse. Voilà. Le Covid a eu pour effet de doper l'épargne à hauteur de 142 milliards. Moi, j'avais ce chiffre-là ces derniers temps, de plus que d'habitude. Donc, c'est un sujet très important en ce moment pour le gouvernement qui reste en quête de recettes fiscales et espère bien que les foyers vont dépenser ce surplus d'épargne parce que ça représente pour eux un potentiel de croissance important. Et on a calculé, la Banque de France a calculé que si on consommait 20% de ce surplus, ça représenterait à peu près 6% de croissance de PIB pour le pays. Oui, c'est sûr que c'est un enjeu important. Et vous avez raison de dire que 15%, c'est une moyenne. Mais quand on regarde effectivement la répartition de l'épargne selon l'âge, effectivement, hein, donc le taux d'épargne n'est pas du tout le même selon que vous êtes un jeune ménage ou effectivement à l'approche de la retraite. Tout hein. à fait. Alors justement, vous avez parlé de politique. Alors depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à la présidence, hein, il y a une volonté justement de réorienter l'épargne des Français vers l'épargne donc financière au détriment de l'épargne non financière, c'est-à-dire pour simplifier au détriment de l'épargne immobilière, car les Français donc justement aiment placer leur économie dans l'immobilier, mais est-ce bon pour l'économie? Alors justement, qu'en pensez-vous? Alors oui, on a toujours l'immobilier en tête. On parle aussi d'une économie de rentier en fait, hein, quand on parle d'économie tournée vers l'immobilier. L'immobilier, bah, ça reste un des placements préférés des Français, ça, il n'y a pas à dire. Hein. Il représente 60% du patrimoine des Français. Hein. On y intègre bien sûr la résidence principale. En temps de crise, l'immobilier, c'est toujours une valeur refuge, tout comme l'or, sans compter que c'est un investissement physiquement palpable. Donc ça, le Français, il adore. Mais une économie tournée vers l'immobilier, ce n'est pas une économie vertueuse, hein, contrairement à une économie tournée vers les entreprises. Donc voilà, je m'explique par un exemple. Vous avez 50 000 euros d'investissement à faire, vous achetez un studio et vous le louez. Bah, vous touchez vos loyers qui sont perçus par le locataire. Vous allez accumuler le loyer sur votre compte, puis payer vos impôts. Puis bah, vous êtes tout seul à profiter de cet argent, de vos loyers sur votre compte. Vous vous enrichissez seul. Donc il n'y a pas de création d'emploi, il n'y a rien. Si maintenant vous investissez ces 50 000 euros dans une entreprise qui recycle par exemple des bouteilles en plastique, hein, en ce moment c'est quand même très tendance, qui a besoin d'argent pour investir dans une nouvelle machine qui broie plus vite, qui va permettre de mieux recycler, de mieux valoriser le plastique, bah, cette entreprise va pouvoir traiter plus de volume, collecter plus de chiffre d'affaires, elle va pouvoir employer plusieurs personnes elles-mêmes qui vont pouvoir assumer une famille. Bref, cette machine qui a été achetée pour broyer plus vite a été fabriquée par une autre entreprise, qui elle-même emploie plusieurs personnes. L'entreprise qui a fabriqué cette machine a commandé des composants à d'autres entreprises fabricantes de composants. Voilà, tout ça pour vous dire que j'espère que vous voyez à peu près, on essaye de percevoir un peu le cycle vertueux de la croissance. L'épargne est rémunérée par un revenu appelé dividende et par une hausse du prix de la valeur d'entreprise. Votre épargne, quand elle est investie dans une entreprise, elle permet surtout une création de richesse qui se déverse dans toutes les strates de la société avec une création importante d'emplois. Un investissement au sein de l'entreprise, ça crée de la richesse, ça y a pas à dire, des emplois. La croissance du pays passe par l'investissement dans les entreprises et la création d'emplois est l'un de ses résultats. Voilà pourquoi, à juste titre, notre président privilégie l'épargne dite financière plutôt que le flux d'épargne immobilier. Quoi vous dire de plus que effectivement la loi pour l'épargne et les retraites soutient cette vision et sollicite les épargnants sur des fonds à vocation thématique qui nous tient à cœur, c'est d'investir dans les entreprises qui œuvrent pour le climat, les investissements dans le solaire, le traitement de l'eau, les investissements dans les éléments électriques. On parle ici d'épargner de manière responsable, éthique et durable. Oui, alors justement, on en parlera tout à l'heure. Et donc, on a bien compris, effectivement, qu'il faut donc privilégier plutôt l'épargne financière. Et alors, justement, on l'abordera tout à l'heure après la première pause musicale, puisqu'on va traiter des différents placements financiers intéressants. Donc, première pause musicale, l'occasion de découvrir les coups de cœur musicaux de notre invité. Alors, Bérangère Deneau, quel a été votre premier choix ? Alors, pour moi, mon premier choix, c'est Trio. Le titre, c'est Pas pareil. Et c'est un clin d'œil pendant l'épidémie Covid, où en fait, tout le monde, on voyait toujours la paille dans l'œil du voisin, mais pas la poudre dans le sien. Et donc, c'était un petit clin d'œil à cette époque. Très bien. Ben on retrouve tout de suite donc Trio, Pas pareil. Pas qu'on sent différent, ou bien qu'on juge la vie, mais qu'est-ce qu'on sent loin des gens quand on survole la ville sur son tapis et rire des gueules de déterrés au fond du métro parisien. Mais nous c'est pas pareil, on est crevé quand on se lève le matin. Au prolo qui s'énerve accroché à sa voiture à crédit, à chaque feu rouge qui traîne dans les embouteillages de sa vie, à la fine rayure sur la carrosserie de sa connerie, si chère, si sacrée, si dure, que sa femme à côté se plie. Moi je l'aime, mon homme, je l'aime quand même. Sa femme qui fait marcher à elle seule tout le téléachat, les feux de l'amour et les navets de Foucault. Voici Bacala. À croire que ça les arrange de laisser s'agglutiner les cons. Ça fera de la brutie pour demain. La chasse, la pêche, des traditions. C'est pas qu'on sent différent, quoique des fois un peu si. On comprend pas bien les gens, alors on s'exclut de la partie. Un sentiment bizarre que le monde est peuplé de crétins. Mais nous c'est pas pareil, on dit pas qu'on regarde TF1. Mais nous c'est pas pareil. Son avis, on le garde pour soi. Paraît qu'on est tous un peu cons et qu'on est un peu plus de trois. Mais nous c'est pas pareil. Son avis, on le garde pour soi. Paraît qu'on est tous un peu cons et qu'on est un peu plus de trois. Voilà, c'était donc Trio Pas Pareil. Donc, c'est donc le premier coup de cœur de notre invité fil rouge, Bérangère, donc Perrin Deneau. Vous êtes bien en effet sur Radio Fadjet et nous accueillons pour cette émission donc de la rentrée l'Instant Éco, Bérangère Donneau, conseillère en gestion de patrimoine, pour parler justement placement. Alors justement, existe-t-il encore aujourd'hui des placements intéressants, en sachant que le plus souvent on est à la recherche de placements peu risqués, assez liquides, en cas de besoin imprévu? Alors est-ce que vous avez la recette miracle? Eh bien je vais vous décevoir Jérôme, parce qu'il n'existe pas de placement miracle, mais il existe une combinaison de placements qui peut répondre aux attentes de nos auditeurs. Alors en fait un placement liquide et sûr disponible par définition est peu rentable, hein. C'est nous livrer hein, clairement. Hein. Si vous souhaitez un placement avec un rendement un peu plus intéressant, il faut accepter une part de risque, on appelle ça une prime de risque en fait. Hein. Tout est question de diversification et d'horizon de placement. Pour les placements court terme, on conserve bien sûr les livrets pour l'épargne, donc dont on a besoin pour tous les jours ou un coup dur, changement de voiture, changement de machine à laver. Et puis pour l'épargne dont on n'a pas besoin tout de suite, voire dans 10 ans, les études des enfants, à financer, des choses comme ça, on privilégie des placements plutôt longs et plutôt vers les actions. Donc moi je dis toujours, c'est comme dans un repas équilibré, pardon. On prend un peu de tout dans son panier d'épargnants, mais on dose les produits. On prend de la disponibilité, des obligations, des actions en fonction de notre capacité en fait, à accepter la part de risque. Et on se questionne sur l'horizon de placement de nos projets et on place nos économies en fonction de tous ces paramètres. On évite surtout de placer en action les sommes dont nous avons besoin pour un achat imminent. Bref, en conclusion, on a des livrets pour l'épargne disponible, on détient de l'immobilier comme notre RP ou du locatif et puis pour le solde surtout, on s'active à le placer sur des actifs financiers comme les actions. Vous avez dit RP, c'est-à-dire la... Ah pardon, excusez-moi, la résidence principale. Voilà, c'est le langage des conseillers en patrimoine, pardon. Et le mieux, c'est de faire des versements réguliers, en fait, hein, pour l'épargne. Et le top du top, c'est de faire des versements réguliers sur des fonds actions de manière progressive. Comme ça, on achète en haut, en bas de prix moyen et on lisse le prix, voilà. Et surtout, surtout, moi je le dis toujours à mes clients, chose importante, on investit dans des produits d'épargne que l'on comprend. Oui, tout à fait. Alors, donc, avant la pause musicale, justement, vous avez parlé donc, d'investissement socialement responsable, c'est-à-dire que ça devient à la mode, hein, tous ces placements en faveur, donc, notamment, de l'environnement. Est-ce que vous pouvez confirmer que ce type d'investissement connaît un certain succès auprès des épargnants français? Alors, tout à fait, mais ces fonds existaient déjà depuis 10 ans, mais étaient peu mis en avant parce que... on restait sur de la finance un petit peu classique. Et effectivement, on parle des investissements socialement responsables. On appelle ça aussi ISR, hein, c'est investissement socialement responsable, investissement ESG, on appelle aussi investissement environnemental, social et de gouvernance. Et effectivement, avec l'épidémie, les investissements dans la finance dite durable, éthique, responsable ont été mis en avant, hein, bien sûr. L'appétit pour les épargnants pour ce genre de fonds ont été grandissant. Il y a une forte demande de la part des particuliers. La collecte a été très importante. Et effectivement, les épargnants veulent être acteurs parce qu'ils ont une quête profonde de sens, surtout pour la nouvelle génération, pour placer leur épargne, en fait. Hein. On est en train de passer clairement d'un actionnariat passif à un réel engagement actionnarial. On parle même, Jérôme, d'activisme actionnarial. C'est-à-dire que moi, je constate que ça existe effectivement au niveau de la consommation courante. On parle de consommateur. Mmh. Et là, on le retrouve également hein, donc, au niveau de l'épargne. Tout à fait. Mmh. Il y a des fonds qui sont labellisés, hein, ESR, ESG, qui sont vraiment investis dans des entreprises qui œuvrent en fait pour le bien de la planète et pour le bien de la société. Tout à fait. Et donc, c'est des entreprises qui veulent changer les habitudes de vie, le climat, et on finance aussi des projets écologiques. La responsabilité sociale, je trouve ça très intéressant parce qu'elle brise les chaînes du court-termisme. Elle définit, enfin au niveau des entreprises, hein, elle définit une nouvelle normalité dans une constance de rendement et une efficacité dans la gestion des risques. On arrête le gain à tout prix, tout vite, voilà. Et en fait, de plus en plus de personnes souhaitent mettre en adéquation aussi, toujours dans cette quête de sens, leur investissement et leurs valeurs qu'ils défendent. Ça va transformer la société, ça j'en suis convaincue, ça commence partout dans le monde. Et puis on a vu que même la législation a évolué, puisqu'il y a ce qu'on appelle les entreprises à mission. Hein. C'est un statut qui existe et qui permet d'élargir l'objet purement économique pour intégrer désormais dans les sociétés des dimensions sociales et environnementales. C'est très important. C'est très important. Ouais. Alors, vous avez donc dressé vraiment une palette importante donc, des différents types de placements. Hein. Alors, je pense que de plus en plus de jeunes sont intéressés donc, par la gestion de patrimoine. Alors, pouvez-vous leur donner quelques conseils au niveau donc, des formations justement disponibles sur Nancy ou dans les environs? Tout à fait. Alors la gestion de patrimoine, c'est une discipline pluridisciplinaire hein, qui touche les domaines de la finance, du droit, de la fiscalité, de la comptabilité. Les diplômes de gestion de patrimoine sont des Master 2, donc c'est Bac plus 5. Et j'ai connaissance d'un diplôme aussi universitaire sur Clermont-Ferrand, hein, ça s'appelle un DU. Alors les universités de Nancy, Strasbourg, Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, Lille, Caen, alors peut-être que j'en oublie, hein, offrent ce type de formation. Et il y a aussi les écoles de commerce en option spécialisation gestion de patrimoine aussi. Hein. Mmh, je pense que ce sont des formations qui donc, attirent de plus en plus hein, d'étudiants, avec des débouchés. Ah des, oui, complètement. Qui sont intéressants. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Et puis donc c'est un métier enrichissant et varié hein, oui, au niveau ça. Des disciplines, on a lu beaucoup de choses. Ouais. Très bien. Allez, on passe tout de suite à la deuxième pause musicale. Quel a été votre deuxième choix, Madame Deneau? Alors, Céline Dion, on ne change pas parce que Céline Dion, ça reste quand même une star, même si on va me trouver ringard, c'est pas grave. Oh, c'est pas grave, c'est pas c'est grave. Pas grave. Moi aussi, je suis un peu ringard de ce côté-là. Oh, moi, j'adore Céline Dion, c'est vraiment une star. Et en fait, elle a pas changé et quelque part, non plus, on change pas. Oh. On reste toujours la petite fille ou le petit garçon qu'on a été. Voilà, tout à fait, je suis d'accord avec vous. Allez, on écoute tout de suite Céline Dion, on ne change pas. On ne change pas, on met juste les costumes d'autres sur soi. On ne change pas, une veste ne cache qu'un peu de ce qu'on voit. On ne grandit pas, on pousse un peu tout juste le temps de rêve d'un songe. Il est touché du doigt. Mais on n'oublie pas l'enfant qui reste presque nul et s'instinct d'innocence. Quand on ne savait pas, on ne change pas. On attrape des airs et des poses de combat. On ne change pas. On se donne le change, on croit que l'on fait les choix. Si tu crains te là, tout près de l'apparence tremble un petit qui nous ressemble. On sait bien qu'il est là, on l'entend parfois. Sa rengaine insolente qui s'entête et qui répète. On ne me quitte pas, on n'oublie jamais. On a toujours un geste. C'était le deuxième coup de cœur de notre invitée Céline Dion. On ne change pas, donc vous êtes bien sûr Radio Fadjet dans l'instant écho. Alors, Alors, Madame Donneau, j'ai une petite question, parce que l'argent, c'est quand même un sujet assez sensible. Et j'aurais voulu savoir que, si vous aviez des moyens de mettre le client en confiance, de sentir le client. Enfin, je pense qu'il y a une relation réciproque qui doit s'instaurer entre vous et le client. Et comment vous arrivez à gérer ça ? Alors oui, tout à fait. Le client, de toute manière, à partir du moment où il vient nous voir, c'est qu'il a un projet. Hein, et c'est à nous, professionnels, bien sûr, nous, bon, c'est notre quotidien, hein, en fait, de rencontrer les clients et de parler de leur patrimoine, de leurs revenus, de leurs projets. Mais c'est surtout de faire le tour, en fait, de faire connaissance, hein, aussi bien lui que nous. Nous, on se présente, d'ailleurs, c'est réglementaire, hein, on doit présenter en fait une fiche qui s'appelle le document d'entrée en relation qui reprend en fait tout notre identité, hein, le cabinet, les agréments, comment on travaille, et puis on se présente. Et après, on fait la connaissance du client et on récapitule en fait tout le patrimoine, les revenus, la situation familiale. Et puis, on pose souvent les questions, c'est de savoir quels sont vos projets, puis quelles sont vos contraintes, en fait, surtout. Donc après, c'est une question de feeling. J'allais dire, si vous ne vous sentez pas bien avec un professionnel, tout ce qu'il va vous proposer, vous allez être pas à l'aise et il vaut mieux changer de professionnel quand c'est comme ça. Il faut vraiment être à l'aise et puis poser toutes les questions. Et puis, il n'y a pas de questions idiotes. Il faut que la personne vous réponde correctement à vos projets, à vos soucis, à vos questionnements. C'est comme ça. Voilà. Merci. Et en plus, c'est obligatoire. Et on doit faire aussi un tour sur les profils de risque. Hein, après, sur le placement, si on vous propose un placement, on doit vous poser des questions sur, pour savoir un petit peu quelle est la part de risque que vous pouvez prendre, parce qu'on n'est pas tous pareils, en fait. Il y a des gens qui, en fonction de l'âge aussi, on ne peut pas prendre la même capacité de risque, en fait, prise de risque. Voilà. Et donc, vous parlez d'exprimer donc le besoin du client, parce que vous ne vous occupez pas uniquement du placement. Hein. En plus, vous faites aussi du conseil juridique. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Donc, on détecte aussi des problématiques juridiques et fiscales avec le client. Et on essaye de faire une synthèse. Et après, on travaille effectivement en collaboration avec les notaires pour mettre en musique au niveau des actes. Et des avocats d'affaires pour certaines catégories qui sont plus particulièrement des dirigeants d'entreprise. Oui, tout à fait. Bon, alors le temps passe très vite, donc dans l'instant écho, Madame Donneau, effectivement, c'est donc quasiment la fin de l'émission, donc l'occasion de donner à nos auditeurs quelques conseils pratiques pour terminer, pour une gestion de leur patrimoine. Oui, alors le conseil pratique, il va se résumer en un mot, hein. La diversification, je ne le répète jamais assez, il faut qu'on diversifie tous nos avoirs. Alors, comment on pratique ? Généralement, on fait une synthèse de tout ce qu'on a et puis on essaye de diversifier. Donc, on regarde, il faut qu'on ait une poche de disponibilité, comme on en parlait. Donc, c'était tout ce qui était livret, le livret A, le LDD. On a une poche obligation, une poche action et puis une poche immobilière. C'est effectivement le locatif ou notre résidence principale. Et enfin, je préconise souvent quand même la souscription d'un contrat d'assurance vie parce que dedans, c'est une excellente enveloppe. C'est là où c'est un des placements préférés aussi des Français. Pour programmer des investissements dans les actions, on investit régulièrement. Et en plus, quand on a un surplus d'économie et que la bourse a baissé, on en profite, on fait les soldes et on réinvestit. Ensuite, on investit à crédit pour l'immobilier. Ça, c'est toujours un petit principe. Les taux sont bas, donc on en profite, c'est pareil. Et puis enfin, très, très, très important, on comprend ce que l'on fait et ce que l'on achète et comment on place. Très bien, merci pour tous ces conseils, Madame Donneau. Ainsi s'achève donc cette émission donc de l'Instant Écho. Alors n'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la page Facebook de Radio Fadjet et nous faire part des suggestions sous les thèmes que vous souhaitez voir abordés dans cette émission. Eh bien, Bérangère Donneau, merci d'avoir participé à cette émission. Merci pour l'invitation. Et puis rendez-vous donc le mois prochain, Francine, au mois prochain, justement, toujours fidèle au rendez-vous. Bien sûr, Jérôme. Voilà, d'ici là, donc, n'oubliez pas de rester donc fidèle à Radio Fadjet.